L'être insondable est sans frontières. Il est juste étant l'unité. La création tout entière attendrit sa paternité. Dieu qui fit le souffle et la roche, œil de feu qui voit nos combats, oreille d'ombre qui s'approche de tous les murmures d'en bas. Dieu ce père qui mit des fêtes dans les éthers, dans les sillons, qui fit pour l'azur les comètes et pour l'herbe les papillons. L'être insondable et sans frontières, il est juste étant l'unité. La création tout entière attendrit sa paternité. Dieu qui veut qu'une âme accompagne les êtres de son flanc sortir, que l'éclair vole à la montagne et la mouche aux myosotis. Dieu parmi les mondes en fuite sourit dans les gouffres du jour quand une fleur toute petite lui conte son premier amour. L'être insondable et sans frontières, il est juste étant l'unité. La création tout entière attendrit sa paternité. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay